wasn't wealthy. Never try to catch up with his pairs. He's got so far, seeking what he's always been missing. Oh, there was a guilty man. Cigarette enlève celle du shit, l'odeur de la cigarette enlève celle du sperme, l'odeur de la cigarette enlève celle de la merde, l'odeur de la cigarette enlève celle de l'argent, l'odeur de la cigarette enlève celle de la connerie, j'ai encore les ongles sales. Je dégueule une fois de plus, ma tête est pleine de puces. Je me tranche les veines à chaque coup de stylo. J'ai une salle dégaine pour respirer un micro. La caisse claire claque, on est encore à battre. Je fais sécher les flaques pour que les gens me matent. De toute façon, ce sera toujours la même chose. Je suis con et fier en train d'écrire ma prose. C'est... toujours les mêmes bullshit, toujours les mêmes bouteilles, toujours la même police et toujours pas de merveille. Je suis arraché dans mon salon avec un verre de sky et une fille. Des particules de poussière tombent de mon front et les pètes que j'enquille. Toujours les mêmes notes, toujours les mêmes fautes, toujours les manifs qui ne marchent pas et encore défoncés avec les mêmes gars. Bourré encore une fois, je rappe mieux sous ta. Ne te demande pas pourquoi j'ai les cieux qui saignent et dans des vapeurs d'éthanol. Je me baigne, je ne cherche plus à comprendre. Je suis prêt à tous vous descendre. C'est un texte de notre cerveau en cendres. J'encaisse les coups, j'avance en perdant chaque fois quelques bouts. Je continue ma route sans éviter les obstacles, sans détour. Allez, c'est reparti pour un tour. Et j'avance en éparpillant des morceaux de moi. Mes pères, c'est souvent que je vais chez mes pères. Faudrait que j'apprenne à me taire. Mais faut que j'arrête de déprimer. Pourquoi toujours de se rabaisser? J'suis pas si mal logé, faudrait que j'apprenne à m'aimer. Une clope sur le balcon, j'aime la nuit.